7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Radio Conciel, bonjour et bon réveil. On est aujourd'hui le 4 octobre, en espérant que vous avez passé un très très bon week-end qui était pluvieux malheureusement, mais bon, le rayon de soleil est là ce matin. Et puis on a appris le décès d'un grand dirigeant de la France dans les années 80-90, Bernard Tapie, est décédé d'un cancer à l'âge de 78 ans. Une messe aura lieu mercredi à Paris, vendredi à Marseille. Ce sera ses obsèques, et jeudi au Vélodrome, un hommage à ce grand monsieur de la politique, du business, qui nous a quittés malheureusement à l'âge de 78 ans. On en reparlera tout à l'heure en direct à la radio. Heureux avec vous, et puis des invités aussi. On va parler de Masterclass Boxing avec Kenny et Erlan Bétaré qui seront nos invités tout à l'heure à 8h15, 8h30. Ça va se passer le 10 octobre à Lille Charlemagne, ça va être un dimanche. Ouais, il va falloir vous lever. Belle journée, sous le soleil peut-être, on va vous en parler tout à l'heure. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Son rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. El oro me excita como el sudor moja tu pelo. Si te ve mi abuelo mañana hay un duelo. Tírate al suelo, caramelo, y deja que tu papi te lleve al cielo. Enamórame. Acabemos con esto. Enamórame. C'est Francky et c'est maintenant. Avec le son Caliente et Tony Patrak, ça c'est bon. Il nous arrive de Montpellier avec des sons Caliente. Salut Elodie qui est déjà connectée. Ah ouais, on nous réveille avec Badoxa et de la Keys ce matin. Montaigne, mette mi agarra, toque mi, mi aperta, mi amassa, assim non da tua gusta, non consigo mi controlla, ten cuidado da mi cuia, non dá mesmo para parar, cata dá mesmo para controlar, controla, eu é controla, controla, eu é controla, cata dá mesmo para controlar. Controla, controla. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu é bem bem. Não tenha medo. Toca em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar. Tem cuidado da me cuia. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar, cata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Tu dança comigo, tira do sério, faz o que eu te digo, vem a falar a sério. Desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu é bem bem. Não tenha medo. Toca em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar. Tem cuidado da me cuia. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar, controlar. 7h10 déjà réveillé. Ouais, peut-être de le côté radio, vous allez bosser lundi matin, c'est pas facile de mettre le réveil. Hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky et Stéphane qui est avec nous au téléphone normalement. Bonjour Stéphane. Salut Francky, salut à tous. Ça va déjà au boulot ou tu pars au boulot? Ouais, ça y est, je suis déjà au boulot là. Je suis au taquet là, déjà dès le matin, tu comme toi. Ouais, ouais, voilà, tu commences à quelle heure? Ah, 7h. 7h, ah bah bon, bah pile poil dans le timing alors. Dans ton émission. Et ouais. Voilà, ça me fait plaisir que tu nous écoutes le matin. Toi, t'es un grand supporter de l'OM, je crois aussi. Hein, c'est ça, ouais, donc c'est pour ça, on rend hommage à Nanar qui nous a quittés hier. Bah ouais, on disait Nanar, hein, Bernard Tapie, 78 ans. Ouais. Le boss à l'OM, on disait, surtout. C'est ça, voilà, il avait amené la Coupe d'Europe à l'Europe, à Marseille. Oui, bah, je m'en parlais toute ma vie, hein, 26 mai 93. Ouais, Basile Boli, hein, si je me souviens. Ah ouais, corner d'Abidi Pelé. Et voilà, super match. Moi, je me souviens, j'étais gamin aussi, hein, mais alors... moi aussi, j'étais gamin. Quel match. C'était ça. Ouais, alors jeudi au Vélodrome, on lui rendra hommage. Il y a mercredi à Paris, jeudi au Vélodrome et les obstacles c'est vendredi. C'est ça, à Marseille, voilà, à Marseille. Normal. Ouais, Il y avait une pub qui m'avait fait bien marrer dans les années 80, c'était la pub avec les Pile Wonder, je crois. Qu'est-ce qui fait marcher tapis? Je sais pas si tu te rappelles de cette pub. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, c'était des bons moments. Hein. C'était un touche à tout ce mec-là, c'était... Ouais, ouais, un businessman, sportif, il avait tout, hein. Chanter quand tu l'as vu, qu'il chantait avec Doc Génico. Ah ouais, il chantait aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, il a chanté avec Doc Génico, quand il était chauffeur. Ouais, ouais, voilà. Le rôle du chauffeur. Ouais, c'est vrai, ouais, il faisait le chauffeur derrière, exact. Ouais, les bons souvenirs. On écoutera, tiens, tout à l'heure le morceau de Doc et Bernard Tapie. Ok, ça va. Et puis, on va lui rendre hommage, donc, à la ville de Marseille. Et puis, lui, hein, grand supporter de Marseille, et puis président surtout aussi. Président. Donc, on l'a. J'ai eu aussi, là, tu reçois un bon invité, là, ce matin, là. Erlan Bétaré. Ouais, El Fenomeno. On le connaît, le boxeur, hein. Ah bah oui, je le connais. Je le connais de nom, mais j'en ai entendu parler de lui. El Fenomeno. Un grand champion, un grand champion de boxe, ouais. Ouais, il sera avec Caddy ce matin, il organise un masterclass boxing. Ah bon, on va tous aller se mettre à la boxe alors. Et voilà, un peu de sport, ça fait du bien. C'est clair. Bon, ça va, il y a un peu de boulot ce matin, le lundi, comme ça, au réveil. On court. Ah bah voilà, c'est bien. Tant qu'il y a du boulot, c'est bien. Hein, c'est clair, ça marche. On va s'écouter Jump, si tu veux bien. T'as 20 années, t'aimes bien. Et puis ça fera un hommage à Bernard. Merci Francky. Merci, bonne journée mon nanar. Merci, toi aussi, bon courage à toi mon grand. Salut mon ami, belle journée. Merci, salut. Salut. En direct à la radio, voici 20 années. Et oui, Marseille, c'est ça. Axel Jump, ça me rappelle une pub pour une marque de cassette, je crois, à l'époque. Un petit clin d'œil à Nana, hein, qui nous a quitté à 78 ans, Bernard Tapie. Voilà, c'était le son de l'OM, ça, quand il rentre dans le vélodrome. On est là, c'est Francky dans la radio. Vous pouvez nous appeler si vous voulez passer un petit message ce matin. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Belle journée, bon réveil et la météo qui arrive juste après Louis Bertignac. Baby, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, des cendriers. Des heures et des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander, tu peux bien aller. Bertignac et les visiteurs sur Radio Arc-en-Ciel avec ces idées-là, le meilleur des souvenirs et puis la météo qui arrive pour aujourd'hui lundi, ça va, c'est plutôt correct on va dire. La météo. Et aujourd'hui lundi, le ciel est couvert, nuageux, avec quelques rayons de soleil. On va avoir des températures jusqu'à 19 degrés, 8 degrés au lieu du jour. Pas de pluie au programme normalement aujourd'hui pour ce lundi. Par contre demain, de la pluie et puis le reste de la semaine devrait être plutôt pas mal si je regarde. Ouais, à part mardi, pas de pluie au programme normalement. Si tout va bien, hein, je suis pas Madame Irma, mais ça devrait bien se passer. Une fille qu'on adore à la radio, elle s'appelle Darina Victory. Laisse-moi t'aimer, c'est sur la radio couleur. Belle journée et bon réveil. Mais ça c'est pour ceux ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es. C'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Maria, tu es un trio, longue est la mienne. Nathan Diwa. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, t'aimer. Ah, ça sent bon l'amour le lundi matin aussi, après avant d'aller au boulot. Bah ouais, avec Darina Victory, je vais t'aimer, je veux t'aimer. Bah ouais, il y a du love ce matin, histoire de vous réveiller tout en douceur sur la radio couleur 96.2 FM. On est en direct et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, parce que le ciel aujourd'hui ne sera pas pluvieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alicia Keys qui arrive avec Non, Jamais, Jamais, No One sur la radio couleur. À toi. Alicia Keys, Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. No one, no. Personne, personne, personne. Bah si, vous êtes là, le tour de la radio, vous allez bosser. Ah ouais, pas facile, hein, le lundi matin. Allez, on est là, courage, une belle reprise. Kidney, avec Delicate et Dilemme. C'est sur la radio couleur. Bon journée, bon petit déj. Je ressens pour toi et sans limite. Pas besoin d'artifice, tu es mon essentiel. C'est vrai, je suis tombé sous son charme si vite. Sans toi, je me sentirais comme un seul essentiel. Ta présence se réveille, tous mes sens. Ton aisance m'émerveille, élégance. Sans défense, sans sommeil, quintessence. Tu es tout ce dont j'ai envie. Bébé, c'est quoi ça? Je suis pas un zélosa. Nous deux, ça se finira pas. Un peu comme la Cosa Nostra. Non, je ne suis pas dans ça. Car parce que tu y penses, c'est toi et pas une autre ce soir. C'est peut-être le grand soir. Tu as tiré sur mon cœur, bang bang. T'es rentré dans ma tête et tu m'as rendu ding ding. Toi, tu as tiré sur mon cœur, bang bang. Yeah. Tu es tout ce dont j'ai envie. Je sens monter le stress comme si je passais un examen. Baby, je serai méconnaissable. Ce sera le plus beau jour de notre vie. On fera ça bien. Maman, on a les seins. Le téléphone est un. Je veux te voir au rêve et près de moi tous les matins. Je te jure, je t'en fais la promesse. Notre avenir ne sera qu'amour et tendresse. Yeah. I love you. I need you. Baby, I love you. Minutes sur Arc-en-Ciel Orléans, on est bien avec vous le matin au réveil avec les croissants, pourquoi pas, bah vous me les amenez à la radio, ça me fait plaisir, tiens, 266 au Bourbonny, on vous ouvre la sécurité, on vous ouvre les portes, bah ouais, dilemme, et Kevin qui lui est, tellement de souvenirs avec Kevin, et puis le meilleur du son, et des souvenirs avec la petite Janet Jackson, la petite sœur de Michael, et Together Again, bon lundi. Yeah. petite Janet Jackson, la petite Michael, bah ouais, qui nous fait revivre de bons souvenirs avec Together Again. Ça se dit Julien sur Olivier, merci Francky de nous ramener des bons souvenirs comme ça, ça fait du bien. Et puis non seulement il y a des souvenirs, mais aussi plein de nouveautés le matin, avec celui qui cartonne en ce moment dans les clubs, c'est Farruko et Pepas sur la radio couleur. Se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, cielo, de arroz de pueblo. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. mudo, hein? Assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Alex Ferrari sur la radio couleur en 2012. Bala bala bélé bélé. On est avec vous, c'est Francky dans la radio. Bon réveil, belle journée. Et courage pour ceux qui vont bosser ce matin. Bah ouais, faut y aller, hein. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et ouais, Francky dans la radio. Salut Camille qui est là aussi. Salut Camille, petit sportif, grand sportif, le détour ce matin. Bonjour Francky, belle journée. Bonjour Andy aussi, Bandia. Salut Andy. Francette qui est là, bonjour, passe une belle journée. Patrick du Sud, ouais, salut mon patou qui est parti dans le sud de la France. Bah bon courage là-haut, puis bonne chance, parce qu'il fait, il fait beau encore, ça va, hein. Mieux qu'en Orléans en tous les cas. En tout cas, le soleil est au rendez-vous aujourd'hui avec quelques nuages. Pas de pluie au programme, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis la mauvaise, bah nanar, hein. Bernard Tapie est parti à l'âge de 78 ans. On en parlera tout à l'heure en direct à la radio. Elton John avec Dua Lipa et Cold Heart sur la radio couleur. Belle journée, salut à Christophe aussi qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, bon courage pour le taf ce matin. Bah ouais, toi aussi mon ami, chauffeur routier, bah ouais. Il en faut des chauffeurs routiers, courage à tous les chauffeurs livreurs aussi qui sont là connectés ce matin. Direction votre boîte à lettres, tout à l'heure, attendez votre colis avec impatience. 7h47 minutes en direct à la radio avec le meilleur des souvenirs, Amine Señorita. Bonne journée, bon réveil. Qu'on s'en aille, pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame. T'enchaîner en âme, que créa la femme, dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. Jamais pour moi, ton regard fait briller l'arme de joie. À travers toi, vivons un rêve, un espoir. Peut-être juste un soir, dans tes bras je vais pouvoir enfin me reposer. Laisse-moi du courage, si un jour tu pars. À présent je sais, je ne le dis pas jamais. Tu es ma señorita. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Like they say in the song. loving, yeah, you can get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, on to the dawn, let's love and get it on. Let's love and get it on. Allez, dans l'ancien, nos invités qui viennent d'arriver, on va les recevoir dans moins de 4 minutes en direct à la radio couleur 7h53. Courage à vous. Salut Jojo, Joël qui est du côté de Saint-Y qui nous écoute, Katia aussi qui est là. On vous remercie du fond du cœur d'être aussi nombreux le matin. Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Le meilleur des souvenirs au réveil à bientôt 8h avec Kubla et Bazardé, puis nos invités dans moins de 4 minutes. On va parler de sport, de boxe, masterclass, boxing. Eh bien, ils sont là. Ça sera dimanche à l'île Charlemagne. On en parle dans moins de 3 minutes en direct. Avec voici Kubla et Bazardé. Elle collectionne les hommes par milliers, mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout le quartier. Ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé, ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé, ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé, ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé. Elle fait rien à la maison, allongée sur son lit, et ça toutes les saisons. Fixe mur comme en prison, manque de respect à sa mère, comme si elle avait raison. Arrête ça ma petite fille, c'est que tu fais, ça nous fait du mal et ça paye pas. Prendre une décision, la laisser partir hors de question, ça je ne peux pas. À présent, tu resteras ici, je t'enferme à la maison. On verra qui a raison, je déconnecte la wifi, faut revenir à la raison. Ah Bazardé, ah, elle est Bazardé, ah, ah, Bazardé, ah, elle est Bazardé, ah, ah, Bazardé, ah, elle est Bazardé, ah, ah, Bazardé, ah, elle est Bazardé. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfuit son blouson, Vos parents sous pression, elle a cassé sa puce, et là ils font la liaison, Ses parents paniquent, là c'est grave. Petite princesse est partie sous ses bras. On connaît la vie et ses drames. Une soirée arrosée, la cour à maintenant t'es enceinte. Mais non, on t'avait dit, mais non. Où est ton homme? Il t'a laissé, où est ton homme? Ah, ah, Bazardé. Ah, elle est Bazardé. Ah, ah, Bazardé. Ah, elle est Bazardé. Ah, ah, Bazardé. Elle est Bazardé, ah ah Bazardé, elle est Bazardé. Ah Bazardé, les problèmes ne vont pas tarder. Tout est gâché, je laisse le futur s'en charger. La vie est un combat, ce n'est pas le paradis. L'avenir, je ne vois pas. Ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé. Ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé. Ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé. Ah ah Bazardé, ah elle est Bazardé. Bazardé, elle est Bazardé. Bazardé, elle est Bazardé. Bazardé, elle est Bazardé. Ah ah, elle est Bazardée, on adore ça la radio couleur. Bah ouais, nos invités qui arrivent. Eh ouais. Du arc-en-ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, les invités du jour, ils sont dans les taquets, dans les starting blocks comme on dit. Ça va boxer ce matin. J'accueille, bah je commence avec les filles. Cani qui est là, bonjour Cani. Bonjour. Comment ça va bien? Ben ça va, comme d'habitude. Pas trop dur la veille derrière la radio à 8h? Non, je me suis réveillé tôt donc ça va. Ça va, moi je suis réveillé depuis 5h je crois, un truc comme ça. Non, je suis un mytho, je me réveille à 6h moi. 6h moins le quart exactement. Et Erlo, Erlan Bétaré, on le présente plus, on le connaît. Bonjour Erlan, boxeur. Salut Francky, salut. Eh, ça fait tellement plaisir de te revoir parce qu'on s'est croisé plusieurs fois, puis on s'est vu à la radio. Bah, t'étais venu faire des petites chroniques avec nous. Ouais, j'étais venu à l'époque faire une petite chronique quand je suis rentré de Dubaï, c'est assez sympa. Ah, bah, monsieur va à Dubaï, excusez-nous, on a pas de retour, on avait été. Bon, j'avais été essayer un petit peu de travailler par là-bas, hein. J'avais un ami qui était sur place, et donc on avait développé en place avec un petit peu, quelques clients un petit peu de qualité. Dubaï, il y a un peu de Des coachings personnalisés, ouais, j'avais travaillé un peu avec l'émir et puis avec un. Ah oui, carrément, Un homme d'affaires, un milliardaire. Voilà. Ouais, ça va, c'est tu me disais, hein, c'est un peu compliqué Dubaï, entre guillemets, quand on n'est pas, local. Ah, quand on n'est pas local, hein. Non, on n'habite pas là-haut. Dubaï, c'est magnifique. C'est Dubaï. C'est extraordinaire et ça reste Dubaï, ouais. Pour les expatriés, en fait, faut avoir un petit peu d'argent. Ouais. En tout cas, c'est une belle aventure, hein. Mais, moi, je me suis régalé, j'ai pris beaucoup d'informations et ça m'a permis, en tout cas, de consolider encore mes actifs sur le coaching personnalisé. Voilà, le coaching, tu continues, personne à l'heure. Tu m'as dit, j'ai un coaching, là, tout à l'heure. Moi, c'est mon dada, hein. Un coaching personnel boxing. Tu fais pas que le boxing comme... Non, je fais de la mise en forme personnalisée aussi. Ouais. Hein. Je gère un petit peu tout ce qui est autour du fitness aussi. D'accord. Et ben on va parler de cet événement qui arrive. C'est dimanche 10 octobre. C'est à 10h30. Ça va se passer à l'île Charlemagne. On espère que le temps, normalement, sera là. Je regarde la météo là. Ah, dimanche, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Super. Ça devrait être bon. Je vais vous porter bonheur. J'ai la météo sous les yeux. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir. Et Kelly qui est avec toi. Kelly, alors, manageuse, tu... T'es organisatrice? Comment ça se passe entre vous, l'alchimie là? Alors, c'est assez simple. Moi, je suis plus spécialisée dans le marketing digital et la production visuelle. Mais j'organise de temps en temps des événements dans la ville en lien avec des associations et une partie est reversée aux associations. Ah, ça c'est bien. Donc, si vous faites, je sais pas, je dis 10 euros l'entrée, on donne 3, 4, je sais pas, un exemple hein, de euros pour la sauce. Exactement. Donc, il y a quelques années avant la période du Covid, je faisais souvent des événements en lien avec des maraudes. Voilà, je salue Yves Bodard d'ailleurs qui en fait souvent des maraudes. Voilà, exactement. Il y a plein de soucis avec tout le monde en ce moment. Il va venir à la radio en parler justement. Donc il y a 2 ans, j'avais organisé une chasse au trésor en lien avec l'association Les Mains Tendues et un concours de basket aussi. Et là, justement, avec Erlan, on a souhaité organiser un événement à l'île Charlemagne. On est sur la période de Octobre Rose en lien avec la lutte contre le cancer. C'est ça. Et on a souhaité se sensibiliser justement à la lutte contre le cancer et pouvoir faire un don conséquent pour que une femme puisse justement avoir un soin socio-esthétique. Ouais. Et le but, ce serait d'avoir un don plus important pour un chercheur. Pour une journée. Le côté don, il y a aussi le côté sport, hein, aussi, parce que bon, les dons, ok, c'est super bien, il faut donner, justement, mais aussi, se bouger, hein, parce que le sport, c'est important pour la santé, c'est ce qui nous permet de vivre peut-être plus longtemps, et j'en suis sûr même. Surprise. Exactement, donc là, on allie les deux, le côté boxing et le côté aussi don. Parce que justement, ici sur Orléans, on n'a pas forcément toute cette mise en place du côté un petit peu boxing à l'extérieur. Et donc, Erlan a souhaité justement, je vais lui laisser la parole, mettre en place une séance un peu particulière avec différents thèmes sur de la technicité et aussi sur le développement personnel. Justement, parlons de sport, de boxing, que de quoi de mieux que Erlan Bétaré, hein. Ancien champion, ancien parce qu'il est toujours champion, mais... On t'a vu partout, Erlan, à l'époque. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé un petit peu de... moi, j'ai grandi ici avec la boxe à Fleury, j'ai commencé ici, et quand on a envie de progresser comme ça, l'idée, c'est d'aller chercher un peu des informations un peu partout. Ouais. Et c'est vrai que la moindre opportunité que j'avais, je la saisissais, hein, pour pouvoir grandir et progresser. Ouais. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis resté notamment sur Aix-en-Provence pendant un petit bout de temps où j'ai vraiment fait du coaching personnel avec des hommes d'affaires, avec des gens qui en avaient besoin et on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'inévitable. Le sport dans toute sa splendeur et en plus donc la boxe anglaise qui est un qui est ton petit favori, c'est ça, l'art bien respecté de tout le monde. Et c'est vrai qu'en arrivant après sur Orléans, j'avais encore ce besoin, ce ressenti de reformer des petits groupes comme ça, des small groups avec lesquels on pouvait vraiment faire du fit cardio, puisque maintenant on arrive à apporter la boxe un petit peu en cours de fitness, ouais. C'est très sympa, et à développer un petit peu cette technique qu'on attend, mais parfois elle est malmenée, donc je voilà, c'était l'idée un petit peu. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Bah, hein, le mouvement boxe pour moi il est précis quand j'ai le regard sur les cours de boxe. Le boxe c'est pas que la bagarre. Hein. Non, je pense que c'est vraiment des angles très techniques qu'il faut mettre en avant, et voilà l'idée de ce fitboxing training donc à l'Isolman, c'était vraiment d'avoir des séances très performantes et très précises à travers le boxing. Tu parles de coach personnalisé, j'ai un pressentiment que c'est de plus en plus à la mode entre guillemets. Avant ça n'existait pas trop le coaching personnalisé, avant on allait à la salle de sport, on faisait du sport chez soi tout seul, et maintenant il y a beaucoup plus de profs de sport ou de coachs comme toi qui prennent les manettes pour donner envie aux gens. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus le temps, ou parce que les gens préfèrent être chez eux tranquille plutôt qu'aller en salle avec plein de monde? Non, je pense que il y a plusieurs vecteurs à ça. Aujourd'hui, les gens, c'est vrai qu'avec le virus, tout ça, on s'oblige à rester chez soi. Donc, oui, il y a aussi ce côté-là. Donc, le digital, où les gens préfèrent rester chez eux et faire cette pratique de cette manière-là. Et il y a aussi l'information que les gens n'ont pas. Il y a plusieurs coachs. Hein. Moi, je dis il y a plusieurs coachs, mais après, c'est compliqué d'avoir les bonnes informations. Moi, des fois, je retrouve des gens qui ont été coachés pendant des années et qui n'ont pas bougé d'un cran parce que les informations étaient... Ça bouge pas, Les informations ont été erronées. Aujourd'hui, on a des données bien plus précises. En tout cas, nous, dans le haut niveau, on a des données que le lambda n'a pas. Ouais. Donc, c'est ce que je disais la dernière fois à une cliente. Je dis combien de sportifs de haut niveau sont redescendus sur la masse populaire pour vous donner les informations? Très peu d'ailleurs. Beaucoup, on n'a pas eu de grands sportifs qui sont redescendus au niveau du lambda pour quasiment, quasiment aucun. Quasiment donc forcément aucun. Tout est faussé. Et quand j'arrive avec quelques données un petit peu du haut niveau, tout le monde est un peu étonné parce qu'on travaille avec une balance impédance-métrie, avec la prise de masse grasse, avec des comportements hormonaux. C'est du sérieux là. Je pense que nous à haut niveau, en tout cas, on a été pris très très au sérieux, et je comprendrais pas pourquoi on prendrait pas un lambda au sérieux de la même façon quand il vient chercher un service en salle. Je vais t'en trouver un nouveau client là. Joël, il a besoin d'un bon coaching comme toi. C'est vraiment important. Je t'envoie chez eux là, tu vas leur mettre en forme les deux. Pas faire fausse route, c'est important parce que on peut s'entraîner pendant des années et sans avoir aucun résultat. Alors des sensations de bien-être, oui, mais des résultats de la plastique, si on contrôle pas les paramètres hormonaux, on est complètement à côté de la plaque. Le plus important, c'est ça, c'est le résultat, c'est ce qu'attend aussi le client. Il me semble, parce que après attention, faut être patient aussi, ça ne veut pas arriver du jour au lendemain. Non, alors on dit que c'est rétroactif. Donc le temps que ça se mette en place, que le système se mette en route, que l'organisme comprenne ce que vous voulez faire avec lui, ça prend un certain temps, ça va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parce que derrière le coaching aussi, on va pas parler de ça, mais la nutrition, l'alimentation, tout ça, c'est lié au sport. Si derrière on mange 4 burgers et puis qu'on fait une heure de sport, c'est mort. C'est la base du résultat. Des pizzas comme Joël. C'est la base du résultat de chacun, et c'est pour ça qu'on vérifie aujourd'hui non plus le poids chez l'individu, mais on vérifie son rapport de masse grasse. Ouais, c'est ça. En tout cas, on est là ce matin pour parler de ce bel événement. Si vous êtes de l'autre côté de la radio, ça arrive ce dimanche. Je voulais vous bouger un petit peu. On va en parler avec toi si tu veux bien, Caddy. Donc c'est à l'île Charlemagne, c'est à 10h30. Alors c'est pas compliqué. Une serviette, c'est ce qui est marqué, un t-shirt, un short. Alors une serviette, une tenue de sport et une bouteille d'eau. Alors la participation, elle est de 20 €. Il y a 5 € qui est reversé justement pour faire ce don. Et à la fin, on fera un chèque qu'on enverra directement à la lutte contre le cancer. Et l'objectif, c'est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, une séance socio-esthétique pour une femme atteinte du cancer. Ou la finalité, avec un don plus important, parce que on a la possibilité de faire un don plus important sur place, une journée pour un chercheur. Ouais, c'est-à-dire c'est 20 €, mais si quelqu'un va arriver, il donne 20 €, après il dit bah moi je vais refaire un chèque plus important, on peut le faire. Tout à fait. Ça c'est une bonne initiative. Alors le but c'est quoi? C'est de ramener combien de personnes à peu près? On peut être combien à venir faire du boxing à ce masterclass? Alors là c'est un groupe de 8 personnes. Après avoir avec Erlan par rapport aux demandes, parce que les participations, il faut prendre rendez-vous par téléphone. Donc après on verra s'il y a un groupe plus important, à voir comment on va gérer exactement. Mais pour l'instant c'est un groupe de 8 personnes. À partir de quel âge on peut venir On peut venir à partir de 20 ans, hein, les gens, on est bien. 20 ans ouais. En dessous aussi, non? Non, c'est un peu particulier, il y a des exercices de coordination. Ah oui, d'accord. Il voilà, ouais, ne faut pas trop jeune, pas trop vieux non plus. Non, parce que, non, c'est bien à partir de 20 ans jusqu'à 50 ans. Ouais. 55 ans, on peut commencer à faire des cours de cardio boxe. Ah, moi, je ne peux pas venir, alors. C'est absolument. Bien sûr. Ouais, c'est mort. Non, en tout cas, c'est un bon exploit, je trouve. Et puis, on mêle déjà la bonne offre pour les 5 euros pour le don, mais aussi le côté sport, et puis peut-être découvrir, on peut découvrir, parce qu'on n'est pas forcément tout le monde n'est pas boxeur, tout le monde n'est pas dans le boxing. Absolument, ouais. tout le monde a l'impression de savoir boxer, mais quand on rentre dans vraiment la démarche technico-tactique, ben on se rend compte qu'on est un peu à côté, et c'est vrai que c'est vraiment bien de prendre le temps. D'apprendre le mouvement, la bonne forme du corps et d'être précis, d'être bien sur ses appuis. Voilà. Une bonne initiative. Ça va durer combien de temps? Alors ça démarre à 10h30 à l'île Charlemagne dimanche 10 octobre. Hein, et combien de temps il y aura plusieurs groupes. Alors est-ce que c'est un groupe de 8, après un groupe de 4, je sais pas, non, c'est ça? Non, on va travailler sur un groupe de 8 personnes et on va travailler de la même façon qu'on travaillerait sur des entraînements de boxing avec des fractions de 3 minutes. Je pense que je vais en faire entre 8 et 10 fractions. Sont 3 minutes, la séance ne dépassera pas une quarantaine de minutes. Ouais. Avec le Covid, il y a quoi? Il faut le passe? Parce que les règles sanitaires, ça se passe comment? Alors, au niveau des règles sanitaires, bien entendu, il faut le passe, mais c'est à l'extérieur. Ou le test PCR. Voilà. Ouais. Après, on a une distanciation en fait, face à l'autre personne qui... enfin, voilà, les petits collègues de boxe. Mais voilà, si vous avez le passe, vous pouvez venir avec. Et puis, être en distance les uns bien des sûr, autres, hein. Tout simplement. Mais c'est à l'extérieur. Hein. Oui, c'est à l'extérieur, les Charlemagne, c'est sous les pontons, là. Tout à fait, à côté, en face du terrain de volley, là. Le volleyball, je pense que c'est un bel espace. Sympa, Et vraiment, c'est intéressant. Moi, j'ai un ami qui fait ça aux États-Unis et ça a énormément... Aux États-Unis, ça, c'est tous les jours, ça. C'est grandiose. J'ai un ami qui s'appelle Michael Olajide qui travaille avec les stars, qui fait du... Du boxing, c'est extraordinaire, mais avec la bonne forme du mouvement. Donc là, tu veux créer ça à Orléans, mais c'est bien. Alors, ce sera récurrent, il y aura d'autres événements comme ça qui arriveront, ou alors ce sera le seul peut-être, non? Non, ce sera récurrent. Là, actuellement, on est en train de mettre en place différents formats. Après, ça va venir un petit peu plus dans la longueur. Ouais. Des séances de boxing personnalisées avec, comme on l'a dit, des groupes de 8 personnes. Mmh. Et puis, un suivi sur plusieurs mois. Ouais. Et puis, un format qui est un petit peu plus numérique. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, bel événement. Moi, le problème, c'est qu'à 10h, je serai peut-être pas levé, malheureusement. Mais peut-être que je vais venir, je sais pas, je vais peut-être faire un effort. Allez, juste pour voir. Au moins pour regarder. Je dis pas que je vais me mettre, mais au moins, et puis pour donner un don aussi, il faut aider les gens, les bonnes personnes. Donc, d'autres événements carrément plus tard. Là, on parle de Masterclass Boxing, c'est ce dimanche à 10h30, on le rappelle, à l'île Charlemagne. Et il y a des projets en cours encore après? Oui, il y a des projets en cours, mais ce sont des projets. Dans chacun des projets, il faut savoir prendre le temps et puis de diffuser l'information au bon moment. Okay. Donc oui, il y a des projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet plus sur du digital. Donc moi, je suis un petit peu spécialisée sur ça. Ce serait plus une plateforme avec justement la possibilité d'avoir des cours. Bien ça. Voilà, personnalisé avec des objectifs un petit peu différents sur de la perte de masse grasse, sur des séances plus sur du cardio ou sur du boost et de la motivation. Et on a une partie aussi qui sera plus sur du conseil. Conseil, c'est important. Ouais. Voilà. Parce que les gens, ils font du sport, etc., mais des fois, ils ont pas de conseils. Alors, ils font du sport, ils vont à la salle tous les jours, et puis, résultat, des fois, ils ont pas de résultat, entre guillemets, et puis ils se disent, c'est bizarre, je fais toujours 80 kilos, et je vais à la salle tous les jours. L'information, la bonne information qui est importante, et c'est pour ça que je dis qu'un coach ne pourra jamais vous mener aussi loin que lui-même n'a été mené, donc faut pas se faire de quartier. Si le coach, il a pas été très haut, vous irez pas très haut de toute manière dans votre démarche, même si la démarche théorique, elle est viable sur le terrain, ça se passe complètement différemment. Ouais, c'est différent. Il faut vraiment avoir un suivi et être passionné pour son client, pour qu'il réussisse, puisque la dernière fois j'entendais, c'est ça la réussite entre client et coach, c'est qu'il faut que le client il se passionne pour son coach et que son coach se passionne pour son client aussi, c'est un investissement commun, sinon ça a du mal à fonctionner. Tu as beau entraîner quelqu'un pendant quelques séances, s'il veut pas... Déjà la motivation, faut qu'elle soit là. Ben, la motivation, on essaie de la créer, nous, en tant que coach. Parce que des fois, t'as des gens qui sont pas du tout motivés. Là, c'est à vous d'apporter justement le petit côté. C'est notre travail, hein, ouais. C'est notre travail d'arriver, ouais. Moi, je nous considère comme des happy makers. On est là pour faire sourire les gens, pour les remettre en forme et qu'ils repartent avec des données qui soient claires et avec le sourire. Et c'est ça, ouais. notre démarche. Ouais. Après, leur évolution personnelle, elle se fait petit à petit, mais la démarche, c'est qu'ils partent de la salle en sourire. Parce qu'on a beaucoup de personnes, souvent, c'est ce que me dit Pascal. Moi, j'ai acheté un vélo d'appartement et du coup, je l'ai utilisé deux fois. Maintenant, il est à la cave, tu vois, où il sert de porte-manteau. C'est ça. Je crois que c'est pour ça. C'est souvent ça, en plus, hein. On achète des trucs de fou à des prix exorbitants. On les premiers temps, on l'utilise, et puis après, on met le blouson dessus parce qu'il est dans le couloir. Après, on met trois blousons et après, on l'oublie. Hein, c'est ça, Kadi aussi. Hein. Oui, parfaitement. Toi, t'as été la première à le faire, non? Oui, exactement. Je m'étais motivée pour reprendre le sport, et puis au bout d'un moment, c'est exactement ça. Un rameur, un vélo. Et il finit à la cave. Et voilà. Ou bien, ce sont les enfants qui l'utilisent. C'est ça. Voilà. Ouais. Et là, justement, Erland, ce dimanche, il y aura le boxing, mais peut-être aussi des conseils, hein. Absolument, énormément de conseils, hein, puisque le fait d'être 8 personnes, l'information est mieux diffusée. C'est mieux, hein, quand il y a moins de monde. Bien sûr, ouais. Elle est mieux diffusée, et je pense que c'est vraiment important d'avoir le bon sens du mouvement. Le conseil, c'est lui qui nous apporte les résultats de toute manière. Et voilà. Kali, je vais te laisser le mot de la fin, après Erland nous donnera un petit au revoir aussi. Oui. Donc on rappelle cette date, si vous êtes de l'autre côté de la radio, donc c'est sur inscription, hein, oui. Dimanche à l'île Charlemagne, c'est à 10h30, oui. Masterclass Boxing avec notre boxeur légendaire d'Orléans, qu'on est heureux d'accueillir ce matin sur la radio française, Erland Bétaré, que tout le monde connaît, à Fleury. D'ailleurs, je vais recevoir la mère de Fleury là bientôt, Carole Canette, qui a accepté mon invitation. Dès que ça sera les vacances scolaires, elle m'a dit que là, les enfants et tout ça, je dirais, c'est pas facile, c'est vrai, je me mets. Et toi, Kadi, alors, donc, le dernier mot à rajouter, peut-être? Alors, à refaire, s'il y a beaucoup d'inscriptions, ouais. À repositionner sur d'autres petits groupes. D'accord. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'être calé sur les 8 personnes, vous pouvez quand même revenir vers nous pour pouvoir avoir une séance de boxing. Et ce sera dans la même dynamique. Et aussi, étant donné qu'on est dans la période de la campagne de Octobre Rose, ouais. À refaire aussi pour faire un don, tout simplement. C'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, il faut savoir aussi être dans la solidarité et dans le don. Ouais. Et c'est la période, donc c'est le bon moment pour ça. Ouais. Mais justement, on peut peut-être aussi venir juste faire un don. On n'est pas oui. forcément tous boxeurs, on a envie de faire du sport. Absolument. Mais on se dire, tiens, dimanche, je vais aller faire un petit chèque, même si c'est 7, 8 euros, oui. 1 euro, tu sais pas. Oui. Voilà, c'est 1 euro plus 1 euro, ça fait 2, déjà. Et puis, ça fait des plus, ça fait un peu d'argent, quoi. Hein. Oui, surtout que notre objectif, c'est surtout de pouvoir faire une journée pour un chercheur. Mmh. Et c'est un montant de 125 euros pour ce don-là. Voilà. Voilà. Donc, ce bel événement. Dimanche, à Charlemagne, 10h30, ne le ratez surtout pas. Si vous êtes dans les parages, venez voir Kadi, puis notre boxeur favori qu'on adore à la radio, c'est Erland Bétaré. Et alors, je te laisse le mot de la fin, le mot du sportif. Hein, t'as toujours fini tes combats en beauté. Moi, le mot de la fin, c'est que Kadi et moi, c'est une belle rencontre, hein, c'est une rencontre exponentielle avec des projets qui se mettent bout à bout comme ça. J'étais un petit peu en recherche de nouvelles choses et c'est une mécène extraordinaire, c'est quelqu'un juste de magique et je suis content de l'avoir rencontré pour avancer dans la vie et c'est juste merci à toi Kadi, merci de tout ça et c'est, je t'embrasse, c'est énorme, c'est magnifique, merci. C'est mignon. Voilà, merci, en direct à la radio ce matin, beaucoup de gens vous écoutent ce matin et ça touche aussi, puis rendez-vous, je vous le rappelle, cette date c'est ce dimanche à 10h30 à l'île Charlemagne, Masterclass Boxing, Kadi et Erland seront là pour vous accueillir dans les meilleures conditions. N'oubliez pas le pass et puis le test PCR si vous ne l'avez pas. Ça, c'est super important aussi parce que le Covid est toujours là, malheureusement, en France et puis sur la planète. Et oui, ça nous fait chier même. C'est vrai. Merci, mes amis. Merci. Bonne journée à tous. Et puis bon courage pour dimanche. En direct à la radio, merci d'être là à 8h15 avec le meilleur des souvenirs. Et puis Caméléon, classe. Et c'est mas. Dame-le, baby. Mi corazón me pide más. Si supieras lo que me dice, que no se imagina vivir sin ti, que no entiende por qué te fuiste, castigado desde el día por ti. Hey, baby, está todo daño le está haciendo a mi corazón. Mamita, no lo puedes ocultar ya más. Tarde o temprano sé que te conquistaré de nuevo, porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más. Celle de meilleure édition latina avec Camaleon, Mas Mas. La météo pour aujourd'hui, bah, c'est plutôt pas mal. La météo. Et la météo est bien aujourd'hui, jusqu'à 19 degrés. Ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et le soleil des nuages aussi. Mais le soleil sera au rendez-vous. Pas de pluie prévue au programme. Par contre, demain, malheureusement, la pluie sera bien présente sur la région. Et normalement, cette semaine, eh bien, le soleil sera là. Les nuages aussi. Mais pas de pluie au programme. Après, ça peut changer. Hein, mais pour l'instant, la pluie n'est pas prévue. Camaro, le remix. C'est sur la radio couleur avec Femme Like You. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Tu chantes, tu sais, on va pas te mettre. Le vide, le froid qui se rencontre. Le vide, histoire qui se raconte, une chanson pour le dire. Y'a les mots, les images pour le décrire. Un vrai rencontre dans le ciel, un flash, la magie sur scène. Le rideau tombe, c'est terminé. Une belle collaboration. Je m'appelle Francky, pas Cabaron mais Francky. En tout cas, on était heureux de recevoir ce matin Caddy et Alain Métarrim. On rappelle l'événement, c'est le 10 octobre. C'est à 10h30 à l'espace Lille Charlemagne. On va être bien là-haut. J'irai peut-être faire un petit tour, tiens. Bah ouais, je couche tard, mais j'irai. Bon, Erlan, super mec. Et puis Caddy aussi. Bon projet à tous les cas qui ont plein de choses à faire. Et puis le meilleur des souvenirs pour vous le matin, ça c'est pour Joël et Olivier qui partent au boulot ce matin. Bah ouais, allez. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi, femme, femme. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Tu brilles. Ouais, ouais. Toutes les femmes brillent le matin. Ah, je vais me faire plein d'amis. Salut Elodie qui est du côté de Saint-Jean-Larbel. Merci Francky pour ce bon souvenir. Bah ouais. Et puis un petit honneur à toutes les femmes ce matin avec le Rayos del Sol qui arrive. Voici Slay et Flemme sur la radio couleur. De passion comme une feuille au moindre l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour toi. Éteint comme une flamme, je frissonne d'amour quand je sens. Ma vie pour être celui pour qui tu réserves toute ta tendresse, toutes tes caresses, tous mes rêves m'emmènent auprès de toi. Mon cœur t'a choisi, ne vois-tu pas, je te veux toi, rien que pour moi. Longtemps j'ai attendu, maintenant l'heure est venue de t'avouer l'amour que j'ai pour toi. Éteint comme une flamme, je frissonne d'amour quand je sens. Tu me rends fou, je ne peux plus penser. Je suis con quand tu lèves ta main. Du son le matin pour aller au boulot, ça fait du bien, un petit slice, c'est vrai, c'est ce que dit Emily, les bons souvenirs de discothèque au Gardeuse. Bah ouais, ouais, ça rappelle des bons moments. Courage à vous si vous allez à l'école, la petite Lola qui est là, salut Lola, salut Edouard aussi, merci Francky de nous rappeler des bons souvenirs comme ça, ça fait plaisir. Et puis la famille, hein, l'ancien DJ, il est là, voici le collectif. Me dis que allez viens on va manger. Tu me dis que tu veux t'éclater, tu veux ta liberté. Tu me dis que allez viens on va chanter. Allez, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. C'est le collectif métissé Danza Latino, le Latino, le soleil qui est là aujourd'hui, ça fait du bien normalement, pas de pluie prévue au programme. Par contre demain la pluie vient bien s'installer sur Orléans, un peu de Kiz, la Kizomba qu'on adore sur la radio couleur, DJ Neymar et Boy Teddy et Jade CD sur la radio. Tentei explicar-te de todas as maneiras, baby, que eu tô cansado dessas tuas brincadeiras. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou. Tudo passou. Eu vou me embora, baby, é o melhor pra mim. Eu não consigo mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar, oh baby, e não te vou perdoar. Não, não, yeah. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom enquanto durou, mas hoje acabou. H35 sur la radio couleur avec Jeanne Cédir de Jadémar avec Boy Teddy. Courage à Mika qui va bosser ce matin. Bah ouais, il faut y aller mon ami. C'est Antoine qui est là. Salut Antoine. Bon courage pour le boulot. Christine qui est connectée, 96 FM. Merci Christine. Florence. Salut mon Francky, belle journée à toi. Et merci pour du soleil le matin. Le soleil devrait arriver, normalement. Hein, ah, il y a Mario de Radio Latina Paris qui nous écoute. Mais salut Mario, gros bisous. Bisous bisous à vous qui venez d'arriver. Et le du Brésil qui est à l'honneur avec Omella et Senetine sur la radio couleur. Abandonado em uma grande alta astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. We'll be right back. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Pobre y feo, pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo, amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oía. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Allez, on se donne direct avec le meilleur des souvenirs, Juanes, la camisa negra. Bientôt 8h43, puis Jean-Pierre qui viendra dans le studio. Et ça fait plaisir de le revoir. 7h, 9h, votre réveil matin. Et ouais, c'est Francky. Le réveil matin, 7h, 9h, c'est pour vous sortir du lit au petit-déj, peut-être déjà au boulot, à bientôt 9h. Bah oui, heureusement d'ailleurs, il faut aller bosser un petit peu. Voici Danny Hines, alright. To take it slow, count one to three and here we go. I can tell how you feel, I know what you like. Can't mess with the groove or trip the vibe. Don't you be afraid, baby, don't get shy, cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to. But that's the part of you that I wanted inside. It's alright, I know where to start. Let me guide you through. not a passion, it's the game. What I want and you want are the same. Don't have to pretend that this is real love. Just do as I say and that's enough. Don't you be afraid, baby, don't be shy. Cause I see what you want shining in your eyes. And I can feel the heat that you try to hide. But that's the part of you that I want inside. It's alright, I know where to start. Ça va pas nous rajeunir ça, Danny Hines, alright, it's alright, 8h47, et ben on va l'accueillir, longtemps que je l'ai pas vu mon petit Jean-Pierre, à la radio en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Jean-Pierre matin, vert matin, il y a longtemps qu'on s'est pas vu, salut. C'est vrai, ça fait plaisir de te voir. Bah moi aussi, franchement, en fait tu m'as fait peur, je sais pas, j'étais dans mes pensées là. J'ai vu un mec arriver il y a très très longtemps qu'on s'est pas vu. Non, c'est vrai. Et puis je veux dire, ça fait plaisir, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière à la reprise de l'émission, ça fait plaisir de revenir ici. Ouais, ça fait du bien la radio quand même, oui, hein, au moral. Ouais. Oui. Moi des fois ça va pas bien aussi dans ma tête alors. C'est ça. Non mais c'est vrai que ça fait du bien et puis ça manque et puis quand tu es habitué puis quand ça fait des années que tu fais ça. Bah toi ça fait des années que t'es arc-en-ciel hein. Moi ça fait 4 ans quand même, 5 ans, hein, ça passe hein. Moi 10 ans je crois, 10 ans. Ouais. Vache, et le jour on m'a dit ça fait 5 ans que t'es là, j'y revenais pas. Ah non, mais c'est ça, c'est là que... Avec des hauts et des bas. Ouais, mais l'essentiel, c'est d'être là, comme dirait l'autre. Hein. En tout cas, on se marre bien ici. Moi. Pour ça, je suis là, je me marre bien et ça me fait plaisir. Alors, les nouvelles vers matin et le retour le lundi, ça y est. Le retour le lundi, comme d'habitude. En fin de compte, les auditeurs font leur dédicace, ils composent leur émission, puisqu'ils demandent la chanson qu'ils souhaitent entendre. Ouais. Et puis, les petites annonces, il y a une maison à vendre, il y a une mobylette. Ça te rappelle des souvenirs. C'est quoi comme mobylette, sérieux? Alors, c'est une mobylette, c'est une Vogue, je crois. Si j'ai pas de bêtises. 103, ouais, Vogue. Ouais. 400 euros. Il faudrait que je voie la photo là, ça m'intéresse. Alors, moi j'ai pas la photo, j'ai les coordonnées Je veux bien les coordonnées de Vogue. Mais Vogue est en très très bon état, peu de kilomètres. Ah, peut-être, ouais, ça m'intéresse ça. Voilà, je voulais une mobilette depuis longtemps. C'est vrai? Ah, sérieux, je déconne pas. Hein. Pour venir ici au studio? Ouais, pourquoi pas, hein, moi je suis à côté alors. Non, mais sérieux, même en relation avec le mec, non, le numéro après. Je vais utiliser ça après, ouais. Ah, une Vogue, ouais. Ah, ouais, je crois que je vais l'acheter. Hein. Ah, je suis motivé là. Et je vais même te dire que la semaine dernière, quand il m'a appelé, j'ai noté 4000 euros, j'ai dit je trouve ça cher pour une bécane. Ouais. Et il m'a rappelé, il m'a dit c'est 500 euros, je crois, à débattre. Ouais. Voilà, c'est à débattre. Ouais, 400 balles, elle va partir. Non, moi, j'aimerais bien, là, ouais. Je vais l'acheter, hein. Je m'achète pas casse, par contre. Bon, faut pas que je me plante la gueule. Bon, donc, une belle émission qui va démarrer avec les dédicaces, les petites annonces à 9h avec toi. Combien de temps que t'étais pas venu à la radio, là? Moi, je t'ai revu une soirée, je crois que t'étais en boîte, la dernière fois, on s'est vu. Oui, exact. Ouais. Exact. Ouais. Après, des soucis de santé sont arrivés. Ouais. Donc, j'ai arrêté, mois de juin. et puis retour là lundi dernier. Voilà, et ben bon retour en tous les cas. Merci mon Francky. En force, Jean-Pierre qui arrive dans moins de 10 minutes. À tout de suite Jean-Pierre. À tout de suite. En direct à la radio et puis nous les meilleurs des souvenirs juste avant la pub parce qu'il faut de la pub pour faire comme la radio. Et puis Jean-Pierre Martin, ce qui arrive avec vers matin, vos dédicaces et puis votre petite annonce 02 38 43 48 00. Barry White, you're the first, the last, my hero thing. Et oui, je parle anglais un petit peu, ça arrive. Et puis bientôt 9h, hein, ça va être temps de se quitter. Demain matin, on sera là à 7h. Allez, bisous, bonne journée. I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. National 45140 Ingré 02 38 22 08 57 mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage.